Les cinq sens d'Anaïs Segalas, enregistré pour LibriVox.org. Vois, enfant nouveau-né que l'existence étonne, la nature qui luit, chante, embaume, te donne rayons, fleurs, rossignols, et n'est qu'enchantement. C'est qu'elle est joyeuse, je gage, d'avoir en toi fait un ouvrage si délicat et si charmant. La lumière te dit « Je suis le jour splendide, Dieu me fit pour tes yeux, je suis l'aube timide qui te ressemble, en nous rien ne peut t'éblouir, car nous sommes deux étincelles, mais à nous voir déjà si belles, on sent que le jour va venir. Oui, mon ange, je suis cette aurore vermeille qui frappe à tes rideaux et te dit « Qu'on s'éveille !» Je suis ce beau soleil qui brille triomphant, je suis les étoiles, la lune, qui te disent, quand vient la brune, « Il faut dormir, petit enfant. » L'oiseau dit « Moi, je suis la chanson, la fauvette. Pour ton oreille, Dieu fit ma voix pure et nette. Moi, je suis l'alouette, à l'aurore on m'entend. Pour que les jours que Dieu t'envoie te semblent venir pleins de joie, je te les annonce en chantant. Je suis le blond serin qui perle son ramage, la lyre des foyers et l'hôte de la cage. Les maisons montent toujours dans quelque petit coin, afin que l'homme en sa demeure, où souvent, hélas, sa voix pleure, est une voix qui chante au moins. La fleur te dit « Je suis le parfum, viens, respire. Dieu pour ton odorat m'emplit d'ambre et de myrrhe. Je suis la giroflée au bâton d'or, l'œillet qui se panache et se satine, le muguet, perle blanche et fine, qu'on trouve en mai dans la forêt. Dieu, comme vous, enfant, me fit riante et belle. Il me fit la corolle en velours, en dentelle. Il vous fit des teints frais, des contours ravissants. Et puis, les deux œuvres écloses, il donna le parfum aux roses, il donna la grâce aux enfants. Retiens longtemps mon charme et mon humeur frivole. Faisons notre bonheur d'un papillon qui vole. Mais surtout, bel enfant qui descend du ciel bleu, gardons, toi dans ton âme aimante, moi dans ma corolle odorante, un peu d'encens pour le bon Dieu. » Et le vent du printemps dit « Je suis la caresse, Dieu m'a fait pour ton front. Je touche avec mollesse ton visage et les lys, et j'aime à m'y poser. Sur ta peau de satin plus fraîche que l'églantine et que la pêche, je glisse aussi doux qu'un baiser. » Le fruit te dit « Je suis le goût, je suis l'orange. Dieu m'a fait pour ta bouche, il pense à tout, mon ange. Pour vous, ô nouveau-né, il met bien des grands mois du lait dans le sein de la mère, et pour l'enfant qui court sur terre, il met des fraises dans les bois. Tout cela, c'est la vie, enfant qui vient de naître. Ce n'est pas le bonheur. Si tu veux le connaître, ton père et moi, tous deux baisant ta joue en fleurs, nous te dirons « Oh, ma charmante, nous sommes l'amitié constante, et Dieu nous a fait pour ton cœur. » Fin du poème, enregistré par Ezoa, en Belgique, en mars 2015. Cet enregistrement fait partie du domaine public.